بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قبل البدء أو قبل البداء في الدرس فقد دخلنا في الأسبوع الرابع nous sommes entrés donc et nous achevons la quatrième semaine de cours. فعلى الإخوة الذين سجلوا أسماءهم للحفظ أن يأتوا بعشرة أحاديث. Et donc les frères qui se sont inscrits pour la mémorisation doivent donc venir cette semaine avec 10 hadiths. ثم الأسبوع الخامس إلى الثاني عشر. Ensuite la cinquième semaine, donc la prochaine, jusqu'au hadith numéro 12. ثم الأسبوع السادس إلى الخامس عشر. Ensuite la sixième semaine, dans deux semaines, jusqu'au hadith 15. ثم الأسبوع السابع إلى الثامن عشر. La septième semaine, dans trois semaines, jusqu'au hadith numéro 18. ثم الأسبوع الثامن إلى العشرين. Et ensuite, la huitième semaine, dans un mois, jusqu'au hadith numéro 20. طيب. ففي حديث عثمان أنه غسل كلتا رجليه ثلاثا. Il y a dans le hadith de Uthman le fait qu'il ait lavé ses deux pieds trois fois. وقد تكلمنا سابقا عن غسل الرجلين وأنه خالف في هذا طائفة. On a déjà abordé le sujet du lavage des deux pieds pendant les ablutions et on a dit qu'il y a un groupe qui s'était opposé donc à la grande majorité des savants dans ce sujet. Quel était ce groupe? Dans le fait de laver les pieds. Qui était ce groupe et qu'ont-ils dit? Laver les pieds. C'est une mas'ala qui est connue. C'est le sujet lié au lavage des pieds. Il y a un groupe qui a contredit le lavage des pieds. Ash-Shi'a. Ils ont dit quoi? On est six. Voilà. Et donc, on avait dit que Ash-Shi'a ont contredit la grande majorité des savants qui disent qu'il est obligatoire de laver les pieds. Et Ash-Shi'a disent non, il faut donc essuyer les pieds et effleurer les pieds avec la main mouillée. Thumma qala. Et ensuite, il dit, c'est-à-dire Uthman, après qu'il ait fini de faire ses ablutions, il dit Ra'aytu an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam tawaddaa nahwa wudu'i hadha. Thumma qala man tawaddaa nahwa wudu'i hadha thumma salla rak'atayn la yuhaddithu fihi ma nafsuhu ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Ensuite Uthman il nous dit: et certes, j'ai vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam accomplir ses ablutions comme je l'ai fait. Puis il a dit, c'est-à-dire puis le prophète, il a dit: quiconque accomplit ses ablutions comme les miennes, puis accomplit deux unités de prière sans se laisser emporter par ses pensées, alors ses péchés passés lui seront effacés. وفي هذا الحديث فضل الصلاة أو صلاة ركعتين بعد الوضوء. Il y a dans ce hadith le mérite lié à l'accomplissement de deux unités de prière après les ablutions. والظاهر أن هذه الصلاة بعد الوضوء في الأوقات المنهية أيضا كبعض الصلاة العصر مثلا وهذا سنراه بالتفصيل في وقته إن شاء الله. Et ce qui est apparent, c'est que ce mérite lié à ces deux unités de prière après les ablutions, il est aussi valable durant les périodes, les moments durant lesquels il est interdit de prier, comme par exemple après Salat al-Asr. Et on verra tout cela, bi'idhnillahi ta'ala, plus tard, lorsqu'on va aborder le livre de la prière. Wa lianbari an yu'alam kadhalika anna hadha alhadith yata'allaqu biman istarsa biman lam yastarsil. Man lam yastarsil ma'a hadha alhadith alladhi khatara alayhi. Ce hadith, il concerne celui qui ne s'est pas laissé emporter par cette pensée qui lui est venue pendant la prière. Et donc, celui qui a accompli la prière. Et il y a une pensée qui lui vient. Mais il la rejette. Il la rejette, alhamdoulillah. Il reste encore dans ce hadith. Il peut encore bénéficier donc de ce mérite. Puisque, pourquoi ? Parce qu'on peut tous être touchés par des pensées qui nous viennent comme ça pendant la prière. Mais il est important de les rejeter, ces pensées, pour rester concentré durant la prière. Maintenant, le problème, il est lorsque la personne va se laisser entraîner dans ses pensées. Il se rappelle que ce matin, sa fille, elle lui a dit telle et telle chose. Il va commencer à chercher, ah oui, mais moi, la réponse que je lui ai donnée, il mélange ça avec Alhamdulillah et Rabbil Alamin, et hop, et hop, et hop. Jusqu'à ce qu'on oublie où on en est dans la salat. Et donc, je répète, cela ne concerne pas la personne qui a eu une pensée, mais qui l'a rejetée. Il ne s'est pas laissé emporter par cette pensée, parce que cela peut toucher tout le monde. Thumma al-hadith at-tasi'a. On passe maintenant au hadith numéro 9, concernant aussi les ablutions. An Amr ibn Yahya al-Mazini, an abihi qala shahidtu Amr ibn Abi Ya'i ibn Abi Hasan, سأل عبد الله بن زيد ابن زيد عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فدعا بتور من ماء فتوضأ لهم وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فأكفأ على يديه من التور نعم على يديه من التور. On va s'arrêter là. Et donc le hadith, selon Amr ibn Yahya al-Mazini, selon son père, qui dit que j'ai assisté au fait que Amr ibn Abi Hassan a demandé à Abdullah ibn Zayd, qui fait partie des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abdullah ibn Zayd, concernant les ablutions du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors celui-ci a demandé, Taur, c'est une petite marmite, des anciennes en cuivre. Il a demandé donc une petite marmite d'eau. Il a donc accompli pour eux les ablutions de la même façon que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a donc versé de l'eau sur ses deux mains. Il a donc lavé ses deux mains trois fois. ثم أدخل يده في التور فمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا بثلاث غرفات. Puis il a rentré sa main dans l'eau, dans le récipient, et a pratiqué la madmada, al-istinshaq et al-istinthar, trois fois avec trois poignées d'eau. Thumma adkhala yadahu fi at-tawri fa ghassala wajhahu thalathan. Puis il a rentré sa main dans le récipient et il a lavé son visage trois fois. Thumma adkhala yadahu fa ghassala yadayhi marratayn ila al-mirfaqayn. Puis il a rentré sa main dans le récipient toujours et il a lavé ses mains deux fois jusqu'au coude. ثم أدخل يده فمسح بها رأسه فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة ثم غسل رجليه. Puis il a donc rentré sa main et a passé sa main sur sa tête. نعم فأقبل بهما, et donc il est passé donc de devant jusqu'à l'arrière une fois. Puis il a lavé ses pieds. Dans une autre version, le hadith qu'on a vu hier, فبدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي رج إلى المكان الذي بدأ منه. Et donc, dans cette narration, ce qu'on a vu hier, il a commencé بمقدم رأسه, par l'avant de sa tête, et ensuite il est allé avec ses deux mains jusqu'à l'arrière de sa tête, puis il a ramené ses deux mains à l'endroit où il a commencé. Et dans une autre narration, atana rasulullah sallallahu alayhi wa sallam akhrajna lahu ma'an fi tawrin min sufr. Et donc dans une autre narration, c'est le prophète, donc Abdullah ibn Zayd, qui raconte le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est venu nous voir et nous lui avons ramené un récipient d'eau. في هذا الحديث فوائد ذكرها العلماء. Il y a dans ce hadith plusieurs leçons à tirer qu'ont cité les savants. Nous n'allons pas citer les sujets qu'on a déjà abordés dans le hadith de Othman. Comme vous pouvez le remarquer, les deux hadiths, ils se ressemblent. Mais il y a ici, dans ce hadith, certains sujets qu'on n'a pas vus dans le hadith de Othman. Et donc, premièrement, dans ce hadith, « Hirsu salaf ala ma'rifati sunnati nabi sallallahu alayhi wa sallam liyata'assaw bihi » Il y a dans ce hadith le fait que les salafs insistaient et accordaient de l'importance quant au fait de se renseigner sur la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam afin de pouvoir le suivre. Pourquoi ils ont demandé? Car ils ont demandé à Abdullah ibn Zayd de leur décrire les ablutions du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est comme cela qu'on doit être. On doit demander comment faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. À chaque fois, c'est pas un tel, qu'est-ce que tu penses de telle et telle façon de prier? Qu'est-ce que tu penses? Non, tu demandes comment est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il faisait? Comment est-ce qu'il faisait? Afin de rechercher sa guidée. Le prophète qui nous dit sallu kama ra'aytumuni usalli. Priez comme vous m'avez vu prier. C'est pas prier comme Malik il priait, ou prier comme Ahmed il priait, ou prier comme Shafi'i, ou prier comme Abu Hanifa. Non, c'est prier comme vous m'avez vu prier. Donc tu dois demander concernant sa guidée à lui. وايضا ان المعلم يستعمل اقرب طريق يمكنه من افهام او تفهيم الطالب من للمراد. Et donc deuxièmement, le fait que l'enseignant, il doit utiliser la meilleure méthode possible afin de permettre à l'élève de comprendre ce qui est voulu. Comme le fait que ici, lorsqu'ils ont demandé comment le prophète il faisait ses ablutions, Abdullah ibn Zayd, il leur a montré, il a fait devant eux. وفي الحديث. Qu'est-ce qu'on peut trouver encore dans le hadith qu'on n'a pas vu dans le hadith de la semaine? Mashallah. Quoi d'autre? La tête. Non, ça on l'a vu dans le hadith de la semaine. Combien de fois laver les pieds? Combien de fois laver les pieds? Il n'a pas précisé. Mais ça, c'est la même chose qu'il a cité Ali à peu près. Et donc on va voir un peu certains sujets qu'il y avait ici qui n'étaient pas dans le hadith de Othman. Idan, fi le hadith, jawazu ziyadati ba'd al-a'dha'i 'ala ba'd fi al-ghasl. Le fait qu'il soit permis de laver certains membres plus de fois que d'autres. Il est permis de laver certains membres plus de fois que d'autres. Idan, fal wajib an annakuma bi ghaslatin wahida. Il est obligatoire de laver une fois. Thumma thaniya wa thalitha min as-sunna. Et ensuite, le deuxième lavage et le troisième font partie de la sunna. Wa thalith afdal. Et le fait de laver les bras, de laver les membres trois fois est mieux. Tayyib. Tu avais cité quoi? La tête. Je t'ai dit non, mais on revient sur la tête. Parce qu'on a vu la tête avec Othman. On a vu quoi avec le hadith de Othman concernant la tête? Parce que je pensais qu'il parlait de ça. Mais nous, on a vu quoi? Ah. On a vu quoi? C'était quoi? Qu'est-ce qu'on a vu hier? Le prophète, il a lavé la tête avec le turban jusqu'à la... Et donc, c'était que hier, on a vu qu'il est obligatoire de passer la main sur toute la tête. On a vu que c'était ça. La vie la plus juste. Aujourd'hui, on revoit la tête. Mais combien de fois tu vas passer la main sur la tête? Aller-retour. Mara wahida. Là, ici, il a fait aller-retour. Aller-retour. Mais est-ce que je peux faire deux fois ou trois fois? Hein? Est-ce que je peux faire deux fois, trois fois? Non. Non? Si quelqu'un il vient, 1, 2, 3. Tu lui dis Orta? Tu dis Bida? Non? Oui? Qu'est-ce qu'on dit? Zahab al-Jumhur. Wahum al-Malikiya. Wal-Hanafiya. Wal-Hanabila. إلى أنه لا تكرار في المسح. الجمهور, la majorité des savants, المالكية, الحنفية, ainsi que الحنابلة, ils voient que il n'y a pas, on ne doit pas répéter le passage sur la tête. On ne le fait qu'une fois. Et donc, مستدلين بهذه الأحاديث التي فيها وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة. Ils utilisent comme preuve tous les hadiths qu'on a vus qui citent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il passait la main sur sa tête une fois. Ils se sont donc appuyés sur tous ces hadiths. Wa qala al-imam al-Shafi'i bi istihbab mash al-ra's 3 marrat. L'imam al-Shafi'i, il voit qu'il est recommandé de passer la main sur la tête 3 fois. 1 2 3. استدل بحديث في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه أو أن عثمان توضأ فقال ألا أريكم وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ثم توضأ ثلاثا ثلاثا. الشافعي il a utilisé comme preuve un hadith qui est dans le recueil de Muslim, dans lequel, qui stipule que Othman a fait ses ablutions, il a dit, ne puis-je pas vous montrer la façon dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam accomplissait ses ablutions? Puis, Othman, il a fait ses ablutions 3 par 3. Voilà le hadith. Qu'est-ce que tu dis par rapport à ce hadith-là? Othman, il a fait ses ablutions 3 par 3. Othman est taillé sur le... C'est pas détaillé sur les membres. Barakallahu fik. Le hadith, il nous dit qu'Othman, il a fait ses ablutions 3 par 3. Et donc, on comprend de cela que 3 par 3, les membres. Mais c'est pas détaillé. Lakin fil haqiqa anna hadha al hadith dhakara wasf al wudu mukhtasaran. Cependant, ce hadith, en réalité, il cite la façon de faire les ablutions, mais de façon résumée. والأحاديث التي تفصل وصف الوضوء تبين أن مسح الرأس لا تكرار فيه. Cependant, les hadiths qui sont venus en citant les ablutions de façon complète nous montrent clairement qu'il n'y a pas de répétition dans le fait de passer la main sur la tête. Est-ce que c'est compris? Tayyib, et donc l'avis le plus juste? C'est une fois. Une fois. Alhamdulillah. Tayyib, nous on va arrêter là pour aujourd'hui. Je voulais finir le hadith aujourd'hui, mais on va retarder ça pour la semaine prochaine. Il ne reste pas beaucoup de sujets à apprendre. On verra ça. Bi'idhnillahi ta'ala, à partir de lundi. Waffaqallahu al-jami' lima yuhibbuhu wa yarda. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.